Hey Charlie, tu sais comment chez toi? Tu sais c'est bien triste ici depuis que l'on rit sans toi. Hey Charlie, tu sais quand qu'on se voit, je te chanterai la vie même sans voix. Et dans mon cœur je t'entends encore jouer à la marée. Rien de trois soleils et puis te voilà au ciel. Combien de temps de bras, regarder nos enfants partir là-haut dans tes bras. Oh, mais dis-moi combien de temps on aura avant de te revoir sourire et nous serrer dans tes bras, et nous serrer dans tes bras. Hey Charlie, j'ai plus de nouvelles, tu vois. J'espère que tout baigne là-bas et que les anges rient avec toi. Ouais. Hey Charlie, on est plus fort que tu crois. La vie a tourné à reprise, c'est comme ça. Et dans mon cœur, je t'entends encore jouer à la marelle. Et un, deux, trois soleils, et puis te voilà au ciel. Combien de temps de bras, regardez nos enfants partir là-haut dans tes bras. Oh, mais dis-moi combien de temps on aura avant de te revoir sourire et nous serrer dans tes bras. J'allume une flamme sous la lune et mon cœur se rallume pour toi. J'allume une flamme sous la lune et mon cœur se consume pour toi. J'allume. Combien de temps de bras, regardez nos enfants partir là-haut dans tes bras. Oh, mais dis-moi combien de temps on aura avant de te revoir sourire et nous serrer dans tes bras. Combien de temps de bras, regardez nos enfants partir là-haut dans tes bras. Oh, mais tu me tiens, combien de temps.